Quien te remercieron de ton silence, la fi cristalismo desespoir, après l'embrasement de la tendresse, de l'élégie que nous ne serons plus. Et je célèbre tes sourires, les plus beaux qu'une dame ait portés, qui tout au long des nuits ont redessiné mon univers. Tu fus ma passion secrète, femme sur une plage rouge, vague du golfe du Bengale, muse des écrivains et ménestral, aride serait mes heures d'attente. Pourtant, si cette mort n'est que mienne, tu la ressusciteras par tes murmures, brandir qu'en été réclame. Et je célèbre tes sourires, les plus beaux qu'une dame ait portés, qui tout au long des nuits ont redessiné mon univers. Tu fus ma passion secrète, femme sur une plage rouge, vague du golfe du Bengale, muse des écrivains et ménestrels. Arides seraient mes heures d'attente. Pourtant, si cette mort n'est que mienne, tu la ressusciteras par tes murmures, brandir qu'en été réclame. Seraient mes heures d'attente. Pourtant, si cette mort n'est que mienne, tu la ressusciteras par tes murmures, brandir qu'en été réclame.